Distance de freinage peut varier en fonction de la météo, réponse A, d'une surcharge du véhicule, réponse B, de la vitesse, réponse C, du temps de réaction, réponse D.